moye jida ke yo na maboko moto mosusu sala lisenga koyo kaina kangakie zonga bisida zonga zonga zonga jida e zonga mama zonga zonga zonga jida e zonga mama soki obetiri pa kusida obasa kangai soki obetiri pa kusida obata kangai inatikali kaka sepamba awana kisasa banda okende bandeko nalala kate banda okende bandeko nalala kate ye mama zonga bisida zonga zonga zonga jida e zonga mama zonga zonga zonga jida e zonga mama okomi brusela e adamo kandate na komi koyoka kaka sena bato denge yo change okomi mondele denge yo change okomi mondele denge yo change okomi kito zonga zonga zonga jida e zonga mama zonga zonga zonga jida e zonga mama Solo lisenga oyo kaina kangakie Obazanga ma Zonga zonga zonga jida e Zonga mama zonga zonga zonga jida e Zonga mama Oye jida Oye mama Muzika yo zalie Jida e, zonga mama, zonga zonga zonga jida e, zonga mama. Soki obetiri bakuzida, obasa kangai. Soki obetiri bakuzida, obata kangai. Atikali kaka sepamba, awana kinshasa. Mwasite, nalobanini. Batonyo so batunangai. Batonyo so batunangai. Wapi o jida. Mama. Mere bijou. Benga diyo diyo na. Zonga zonga zonga jida e. Zonga mama. Zonga zonga zonga jida e. Zonga mama. Jida, mona baba. Wapi mwaye, jida ke iyo, na maboko moto mosusu, solo lisenga oyo kaina kangakie. Zonga bisida, zonga zonga zonga jida e, zonga mama, zonga zonga zonga jida e. Wapi mwaye, jida ke iyo, na maboka moto masusu, solo lisenga koyo kaina kangakie. Zonga bisida, zonga zonga zonga jida e, zonga mama, zonga zonga zonga jida e, zonga mama. Rapoa, sangue menita cote, tra, trapo, sangue menita cote, tra, trapo, a gauche, a droite, tra, trapo, a gauche, a droite, tra, trapo, mama potoyo, mama potoyo, luqueto, luqueto, se chama mal, se chama mal, fumo, fumo. drapeau, drapeau, drapeau, drapeau, drapeau, drapeau, drapeau. Oh, le l'équateur, oh, le l'équateur. Ah, ah, vous dansez comment? Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, donne le tour. Tchou, tchou, tchou. Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, drapeau. Angoulouma, danse la gueule. Drapeau, drap, drapeau, drap, drap, drapeau, drap, drapeau, drap, drap, drapeau. Ah, j'arrive à tout ça. Ah, j'arrive à bête à tout ça. La kisa bango, denge ba binaka, drapeau lango, la kisa bango, denge ba binaka, drapeau le, la kisa bango, denge ba binaka, drapeau doli, la kisa bango, denge ba binaka, drapeau isa, la kisa bango, denge ba binaka, drapeau, drapeau, drapeau, ah. Como na caí colocou a cara, como na caí me tapou colocou a cara.